Les découvertes musicales de Fadjet. Auteur, compositeur, producteur, Frédéric Tard propose une musique à mi-chemin entre la chanson française et le rap. Il puise ses influences dans les classiques de la chanson comme Aznavour, Goldman ou Berger, mais aussi dans le rap comme celui d'Oxmo Puccino, MC Solar ou Eminem. Découvrez sa musique à travers le titre « Ça ira ». Revenir en arrière, je n'irai pas. Défaire pour défaire, ça mène à quoi? De toutes les manières, c'est mieux comme ça. Demain on verra où ça ira. À toi mon père qui a jamais fait vraiment les choses que t'aimais. T'aimais chanter les roses mais ça ne faisait pas manger. Coup de cafard, t'en blafarde, je t'ai vu ranger ta guitare. Tu la ressortais certains soirs pour nous crier ton désespoir. J'avais 11 ans quand je t'ai dit, apprends-moi quelques accords. Je me rappelle encore de mes doigts vibrer sur ces cordes. C'était le temps du tout possible, j'avais la vie devant moi. Je me sentais fort et invincible, je voulais cette victoire pour toi. Alors j'écris, je m'enregistre, ça fait du bien quand je me sens triste. Je réalise pas mais je le sais, pour moi la musique cicatrice. Et sur mon cassette 4 pistes, j'emmagasine mes maquettes. Plus tard je serai un artiste, même s'il faudra du temps. Revenir en arrière, je n'irai pas. Défaire pour défaire, ça mène à quoi? De toutes les manières, c'est mieux comme ça. Demain on verra où ça ira. Fini les belles chansons, moi je veux faire du rap. Je me rase le crâne et je me prends pour plus fort que moi. Je lâche des balles, j'en dis des belles, et pourvu qu'on me remarque. Quand je débarque, je me démarque, la tête haute, je reste droit. À croire que j'ai pas eu d'autre choix que d'être similaire. À croire que perdu dans mes rêves, j'étais le centre de l'univers. Il semble bien que la plupart des hommes n'aient pas besoin d'être différents les uns des autres. Alors que ce qui est important chez un être auquel, chez un autre que soi-même, c'est les différences. Ce qui peut nous plaire dans un autre, c'est qu'il est différent. Revenir en arrière, je n'irai pas. Défaire pour défaire, ça mène à quoi? De toutes les manières, c'est mieux comme ça. Demain on verra où ça ira. Quand vient l'échec, que le vent tourne, que le temps passe et l'inventaire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour faire le chemin à l'envers? J'ai mis en vert et sans ristourne le peu d'amour qu'il me restait. Cœur à l'envers de tout risquer, de rien lâcher, de tout tenter. Je préfère être à l'époque où je suis maintenant qu'à l'époque où j'avais 20 ans. Je ne regrette pas de ne pas lui les avoir, si vous voulez. Je n'ai pas fait grand-chose du reste quand je les avais. Je n'ai pas su m'en servir, comme la plupart des hommes. Revenir en arrière, je n'irai pas.